quelques soucis pas beaux, mais ils s'en vont aussitôt. Quand tu me prends par la main, quand je suis en manque d'amour, que j'ignore si tu m'aimes toujours, toi tu m'emmènes faire l'amour. Et tu me prends par la main quand ma famille me fait mal, quand je deviens un peu pâle, toi tu restes dans les annales. Quand tu me prends par la main, quand je ne fais plus de rêves, quand je ne goûte plus à tes lèvres, grâce à toi le soleil se lève. Car tu me prends par la main quand je n'ai plus de raison de vivre, quand je passe ma vie dans les livres, toi tu viens et tu m'enivres. Tu me prends par la main quand je ne sais plus quoi faire, quand mon petit cœur est sous serre, toi tu m'envoies en l'air. Quand tu me prends par la main, quand tu me prends par la main.